Ces rimes que annonce que vertige arrive, pas pour faire la dive et pour les fois synonyme guillotine. À tous ces gadgets qui s'imaginent qu'ils arrêtent leur film, la réalité est là. Il nous faut de l'espace libre. C'est mon équipe qui fait la zik, qui choque les critiques à coups d'acquis pour les baveurs. Oserais donner ce cauchemar de politique armée de style obique, pas pour le fric, mais pour forcer des barrages. Des bites synthétiques niquent tout ce pseud de bien pideur et leur histoire du fric. Ami carpe sans pince. De ce bel Afrique, qui le rythme de la saison, de la défense des positions. La peau, parce qu'on dit qu'en position, en transition sur tout le globe, venu sans invitation, dans ce monde qui copse d'op, on est là pour remplir ma mission, à ma façon, je tue les faux, avec mon sang, je prends l'otage, c'est des matérations, chaque mesure, je prouve que j'ai raison, je dirais à mon fils, ton demande du frère, mais ton propre avis, à vie, je dis, tu dois être le nord de la maison, être un bon, dans la vie, t'as pas de don, rester un homme, car c'est un jeu des cartes, selon à Kenaton, tu sais, y'a pas de fait, peut être vrai, il faut aller à la limite de ce qu'ils peuvent. Je dirais juste une chose, à vrai ne tirerai jamais sur un boss à la Courneuve.